trouver sur le net. Je m'appelle Inès Belkacem, je suis journaliste à Street Press et depuis 2016, je travaille sur les violences policières. Dans ce documentaire, il y a 5 familles qui ont perdu un proche dans une intervention de police qui prennent la parole. On a par exemple rencontré la famille de Cédric Chouviat à Paris, la famille d'Alan Lambin en Bretagne. Il y a aussi les proches de Wissam El Yamni à Clermont-Ferrand, ceux de Claude Jean-Pierre en Guadeloupe. Et il y a aussi la famille de Guy Camara qui eux sont en région parisienne à Champs-sur-Marne. Quand les familles se rendent compte que la police est impliquée, quand elles se rendent compte que leur proche est mort, souvent avant même qu'elles aient pu faire quelque chose, il y a la préfecture de police ou un site ou des médias qui vont sortir la version des policiers. Dans la version des policiers, il est toujours expliqué que la personne qui est morte, donc le proche de ses familles, a fait quelque chose de répréhensible ou c'était un accident. Le meilleur exemple, c'est Cédric Chouviat. Au moment où on était à l'hôpital en train d'attendre un miracle, on savait même pas s'il allait mourir ou pas. Il y a un article du Parisien qui sort. Cédric Chouviat a fait un malaise cardiaque. Ils ont menti sur ce qui s'était passé, ils ont dit qu'il était tombé et que ce qui lui était arrivé, c'était de sa faute et pas de la faute des policiers. Quelques semaines après cet article, il y a les vidéos qui sortent. Donc les vidéos de l'interpellation de Cédric Chouviat. Et on voit bien que le contrôle, Cédric Chouviat le remet en question sans qu'il y ait de violence et qu'il tombe pas et qu'il n'y a pas de crise cardiaque, qu'il y a un plaquage ventral de la part des policiers et que Cédric dit cette fois « j'étouffe ». Avant de mourir. Cédric, il a filmé sa propre mort parce qu'il avait son téléphone et qu'il a filmé son contrôle. Donc on voit bien que la version des policiers n'était pas du tout vraie. Toutes ces familles passent par un deuil très compliqué parce qu'elles ont du mal à comprendre comment leur proche est mort. Quand elles essaient d'aller poser des questions, d'aller chercher des informations, elles se rendent compte qu'elles ont du mal à trouver ces informations. Un exemple simple, c'est les vidéos de surveillance. Quand les familles essaient de récupérer les images, mais ils se rendent compte que c'est très très compliqué. Il y a toujours des raisons différentes pour lesquelles ils peuvent pas récupérer ces vidéos. Parfois on explique que elles fonctionnaient pas. On explique que c'est le temps de l'enquête et qu'elles auront pas les vidéos tout de suite et que peut-être elles les ont dans un an, dans deux ans. C'est ce qui est arrivé par exemple à la famille d'Alan Lambin qui les ont récupérées plusieurs mois après la mort d'Alan. Ça n'a pas été facile de récupérer la vidéo. L'IGPN a mis presque un an avant de nous la donner. Mais pour des familles, c'est un laps de temps énorme sur lequel, en fait, elles comprennent pas forcément ce qui s'est passé. Comme elles n'arrivent pas à récupérer des informations sur la mort de leurs proches, elles doivent mener l'enquête toutes seules. Elles se mettent en quête du moindre indice. Elles essaient de comprendre les rouages de la justice, les rouages de leur affaire, et c'est pas leur travail en fait. Pour prendre un exemple, il y a la famille de Cédric Chouviat qui a lancé un appel à témoignages en demandant « Vous étiez à telle heure qui est branlée là où est mort Cédric, est-ce que vous avez été témoin de quelque chose ?» Souvent les familles font ça. Et ben elles ont reçu plusieurs vidéos, plusieurs témoignages, et c'est en partie aujourd'hui grâce à ces vidéos qu'elles peuvent aller devant les tribunaux et avoir des preuves devant les tribunaux. Les vidéos, c'est la chance de notre malheur. C'est une évidence. Parce que sans les vidéos, je te le redis, c'est la cause est perdue. Les familles essaient toutes d'aller devant les tribunaux pour avoir justice. Et leur plus grande peur, c'est d'avoir un non-lieu. Un non-lieu, ça veut dire que la justice estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour ouvrir un procès. Ou que les policiers étaient en situation de légitime défense. Dans le documentaire, Mahamadou Camara, le frère de Guy Camara qui prend la parole, lui, ça fait 4 ans que Guy est mort. Il était devant les tribunaux et il a eu son lieu. Et lui n'arrête pas de répéter, il ne peut pas y avoir non-lieu quand il y a mort d'homme. Lui, il ne peut pas comprendre que son frère soit mort et qu'on lui dise « c'est ces mots circulés, il n'y a rien à voir ». Quand un jeune issu d'immigration ou bien un jeune français se fait tuer par des policiers français, voilà, là c'est silence radio. On a été à Clermont-Ferrand, on rencontrait la famille de Wissam El Yamni. Et dans le documentaire, il y a sa sœur Marwa qui témoigne et il y a aussi Zora qui est la maman de Wissam. Le témoignage de Zora a été particulièrement intense parce qu'elle s'est beaucoup confiée. Zora, c'est vraiment un modèle de bravoure pour moi. Parce que ça fait 10 ans qu'elle a perdu son fils, 10 ans qu'elle attend d'avoir des réponses. Et elle, depuis 10 ans, malgré sa peine, malgré son deuil impossible, c'est une militante acharnée. Dans le documentaire, tous les tournages, elle avait son t-shirt « Justice pour Wissam ». Ma mère, depuis le début, elle a des autocollants partout de Wissam. Et c'est vrai que sur sa voiture, il y a un autocollant « Justice et vérité pour Wissam ». C'est-à-dire que c'est la militante pour Wissam de tous les instants. Pour ce documentaire, on a aussi été en Guadeloupe, rencontrer la famille de Claude Jean-Pierre. C'était assez particulier parce que c'était la première fois que Fatia, sa fille, retournait en Guadeloupe depuis les funérailles de son père. Et pour les tournages, on a été dans la ville de Dée, où s'est passé le contrôle qui a mal tourné. Et je me suis rendu compte qu'on parlait pas tant de l'affaire Claude Jean-Pierre en métropole, mais qu'en Guadeloupe, c'était le visage contre les violences policières. Justice pour Claudeau. Justice pour Claudeau. Plus fort. Justice pour Claudeau. Plus fort. Justice pour Claudeau. Voilà. Justice pour Claudeau. Moi, les familles que j'ai rencontrées, ça fait 4 ans, 5 ans, 11 ans pour la famille de Wissam, qu'elles traînent ce deuil impossible, qu'il y a des rebondissements dans leur affaire ou qu'au contraire, il se passe rien. Et ça mérite un éclairage. Nous, l'idée avec le documentaire, c'était de sortir du fait divers. C'était de suivre ces familles, de leur donner la parole et de le faire surtout sur le long cours. Qu'elles puissent raconter ce deuil impossible, ces galères devant la justice, leur recherche d'indices pour comprendre la mort de leurs proches. Allez, go alors, on est... Micro ouvert. On peut dire ça qu'on est en forêt. Allez, on est en forêt et on est autour de la table. Et on se rencontre ici, donc j'ai 3 personnes en face de moi, et on se rencontre pour ce conseil citoyen qui a eu lieu à Forêt, justement. Hein. C'est ça. Et c'est devant une école ou c'est dans une école, ça, je me demandais, tiens. Dans une école. C'est dans une école, dans une école, dans une école. Dans une école qui remplace le lieu... du conseil communal forestoir, puisqu'il y a des travaux. Voilà, c'est là que le conseil, normalement, est censé se faire. OK. Et donc, on va se présenter ici. Vous allez vous présenter vous-même et vous allez bien résumer du pourquoi on est ici, quoi. Voilà, pourquoi on se rassemble, vous voyez. Bon, j'explique pas les choses convenablement, mais en tout cas, façon, on va rentrer dans le vif du sujet. On a 50 minutes pour le faire. Donc voilà, on a tranquille, on peut dire tout ce qu'on a envie. Hein. Qui a envie de commencer en premier ? Siam. Je peux commencer. Donc, moi, c'est Siam, je suis membre du comité de la zone midi contre les violences policières. Alors pourquoi on se rassemble autour de la table ? On se rassemble autour de la table aujourd'hui pour aborder la question de l'affaire Adil Charot et des différentes interpellations. Du conseil de police qu'on a mené. Adil Charot, Charot, c'est son nom de famille ? C'est ça. Voilà, parce qu'on entend souvent Adil. Ok. Toi ou... Oui, moi je m'appelle Anna Samara, je suis également membre du comité interlocutoire de lutte contre les violences policières. Je vais pas rebondir sur ce que Siam vient de rappeler, mais voilà, l'interpellation, elle s'inscrit dans une tentative... de renforcer le plus possible les lignes de défense de la famille en essayant de constituer une condamnation disciplinaire des policiers. Et l'idée, d'essayer de partir des pièces donc du rapport administratif qui a été rendu public et qui donne la voix à 18 policiers qui l'ont co-signé et de tenter de faire en sorte que cette parole, qui montre concrètement et qui présente clairement une responsabilité du policier qui a été responsable de la mise à mort de Adil, et faire en sorte que cette pièce puisse être mobilisée dans le cadre de la Chambre du Conseil à venir, qui aura lieu le 9 janvier prochain. Voilà, et moi je suis Martin Van Der Helle, je fais également partie du comité Zone Midi de lutte contre les violences policières. Et donc, comme vient d'expliquer Anas, nous, en fait, on a été membre de plusieurs comités de soutien autour de violences policières. Et donc, on a pu, comme ça, en accompagnant les familles, avec un travail juridique, important, repérer de façon assez empirique comment l'impunité policière se construit. Parce qu'on parle beaucoup d'impunité policière, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une fois. Ça se fait tout au long des procédures. Et donc ici, dans le cadre de l'affaire Adil, parce qu'on est tous les 3 membres de la zone midi, c'est un jeune qui s'est fait percuter par une voiture de police qui arrivait en contresens pendant le confinement Covid. Et la voiture a effectué un coup de braquet à gauche de façon à percuter Adil, et il est mort. Et donc, pour nous, comme pour beaucoup d'autres Anderlechtois, ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont subi des violences ou qui ont été tués par la police. Et cette technique particulière du pare-chocage est une technique qui revient dans plusieurs affaires. On a entendu parler de l'affaire Wassim et Sabrina. On a entendu parler de, j'ai même plus en tête, de Mehdi Bouda, qui a été, lui, percuté à la hauteur de la gare centrale, mais donc de la galerie Ravenstein. Et nous, on a aussi été interpellés à l'époque par un article qui était sorti dans un journal néerlandophone, Apache. Donc, il y a un article de journaliste d'investigation qui avait, plus ou moins dans cette période-là du confinement, réussi à pénétrer un groupe Facebook privé qui s'appelle The Thing Blue Nine, qui est un groupe de policiers où il y a 2700 policiers qui publient et communiquent sur ce groupe. Et dans ce groupe, il y avait la technique du pare-chocage, qui était plébiscitée comme une technique d'intervention pour intercepter. Et donc, elle est plébiscitée comme une technique qui n'est pas dans les manuels. C'est quoi cette technique de pare-chocage? Donc, c'est en gros, dans une course-poursuite, tenter de profiter du cadre légal ouvert par la poursuite pour assassiner quelqu'un ou pour le percuter d'une façon qui est excessivement létale. Par exemple, l'affaire Domenico, qui est une affaire qui n'a pas eu lieu à Bruxelles, mais qui a eu lieu dans la région de Liège récemment, ou l'affaire de Naël en France, qui a aussi été beaucoup discutée, montre que quand des jeunes échappent à la police, ça ouvre un périmètre de capacité de violence de la police et qu'il y a des techniques légales dedans, mais que ça peut aller plus loin. Et donc le pare-chocage, c'est l'idée qu'il faut absolument et impérativement arrêter la poursuite. Et donc, soit en donnant un coup de pare-choc, soit en mettant, Wassim et Sabrina, c'est comme ça, soit en mettant une voiture en barrage. Et par exemple, Wassim et Sabrina, ils étaient dans le tunnel, et donc n'ont pas pu voir la voiture de police qui a été mise comme un barrage. Et donc, ce que nous, on dit, c'est que ces techniques transforment les voitures de police en armes par destination, et donc elles ont des conséquences à chaque fois meurtrières. Et donc, pour nous, en tant qu'Anderlechtois, qui avons travaillé sur ces questions, ou qui vivons dans ces quartiers, ou qui avons l'expérience de ces violences, c'était important de sortir de l'idée, ça c'est le procès Maouda qui nous l'a appris, moi je vais arrêter là pour maintenant, que la justice fait son travail, et que ce qui est important, c'est de soutenir les familles moralement, et d'espérer une vérité judiciaire. Les familles, généralement, ce qu'elles veulent en se portant partie civile, en portant plainte, c'est pouvoir avoir droit à la parole, pouvoir faire condamner les policiers, et avoir une vérité judiciaire. Et donc nous, on intervient à différents moments pour renforcer ces familles, par rapport à une machine d'impunité qui est très très forte. Et Anas l'a dit, dans le dossier ici d'Adil, le parquet avait déjà rendu depuis plusieurs mois un avis de non-lieu. Donc ils avaient déjà communiqué pour dire l'affaire est close, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions politiques à Anderlecht, il y avait beaucoup de tensions autour de ça, et donc le parquet a éteint complètement toute possibilité en disant, nous, de façon préventive, on vous dit à l'avance que c'est terminé. Or, il y a encore des devoirs complémentaires que la famille n'avait pas faites, notamment par rapport aux analyses des trajectoires des voitures, et la pièce dont on va discuter aujourd'hui, qui est donc un rapport administratif, Anas en a déjà largement parlé, est venue réouvrir le procès, amener la Chambre du Conseil à devoir être reportée jusque ici en janvier, parce que les éléments à l'intérieur du dossier administratif sont à notre sens, mais ils ne sont pas pris comme ça encore. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce combat autour des conseils de police par la commune, à notre sens, des aveux extrêmement graves. Donc on rappelle que c'est 2/3, voire 3/4 des policiers de son commissariat qui porte plainte contre lui et qui signale des faits de racisme très graves. Donc, les acteurs principaux de cette pièce-ci, ce sont les policiers en tant que tels, parce qu'on a souvent tendance à considérer que ce sont des luttes anti-police. Ici, ce sont les policiers qui sont des acteurs politiques de première ligne. Et les faits donc, qui sont rapportés, c'est que ce policier s'est vanté à plusieurs reprises de l'avoir tué et d'en avoir sorti un de la rue. Il faut savoir que ce policier a été muté, je termine là-dessus. Il est aujourd'hui à la tête d'une équipe, donc c'est-à-dire qu'il considère que le pare-chocage, donc le fait d'avoir tué Adil est quelque chose qui est légitime et que la police a donc le droit de régler le problème de l'immigration, de tuer des Arabes avec des voitures de police et que c'est parfaitement autorisé et légal. Et l'autorité des bourgmestres, pour l'instant, n'agit pas sur ce dossier. Ouais, on a envie de poser la question, mais d'où vous tirez cette source, en fait, de savoir qu'à l'intérieur, si je comprends bien, de la police... C'est les policiers eux-mêmes qui dénoncent un des leurs, quoi, en gros. Moi, je le dis à ma manière. Mais donc, c'est un rapport administratif qui a été rendu public par une enquête menée par différents journaux, donc des journalistes de la RTBF, du Soir et de Blast. Et c'est suite donc à cette communication publique et cette enquête menée que nous, on a pu avoir accès à cette source, qui était une source publique. Donc, a priori, le chef de corps ainsi que les différents bourgmestres acteurs dans la zone midi auraient dû intervenir sur cette base-là, puisque eux ont été contactés préalablement par les différents inspecteurs. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis, excuse-moi, c'est une source publique, ça veut dire quoi ? C'est publié dans les médias. C'est publié médiatiquement, donc c'est pas du tout une source cachée ou une source qui serait uniquement inscrite dans des enquêtes internes policières menées par le comité P. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été publiquement porté à l'attention. Et donc a priori, sur la base de cette source publique, il est possible de se déclarer personnalisé auprès du procureur du roi. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire tout au long de notre combat au niveau des interpellations communales, c'est pousser le chef de corps à minimalement déclarer... à minimalement dresser un procès-verbal circonstancié à renvoyer vers le procureur du roi pour que cette pièce puisse être correctionnalisée indépendamment de la saisine en cours. Puisque pour l'instant, donc, on est dans le cadre d'une saisine qui concerne la chambre du conseil dans le procès d'Adil, mais pour qu'il y ait correctionnalisation indépendante de ces éléments, il faut absolument qu'une saisine indépendante puisse être ouverte par le procureur du roi. Et pour cela, il faut que le chef de corps, qui est le responsable de la zone midi, puisse dresser et verser un procès-verbal circonstancié des éléments internes du rapport administratif et les porter à l'attention du procureur du roi. Et c'est au procureur du roi de déterminer si oui ou non il y a suffisamment d'éléments que pour aboutir à une mise à l'instruction et donc déférer un juge d'instruction qui se chargera de continuer l'enquête ou pas, ou classer définitivement sans suite. Et donc, c'est pour ça que nous, et c'est là que le comité intervient, puisque cette action qui, a priori... Le comité citoyen, quoi ? Oui, tout à fait. C'est là où le comité citoyen intervient. C'est-à-dire que, a priori, c'est pas à nous de constituer toute cette base qui vise à pousser le chef de corps ainsi que les bourgmestres à dresser un procès-verbal circonstancié des éléments internes du rapport administratif. Normalement, c'est une action automatique à partir du moment où il y a une infraction commise par un policier. Or, là... Ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, nous avons contacté les bourgmestres, nous avons tenté de contacter informellement le chef de corps. Ça n'a rien donné. Donc, les inspecteurs eux-mêmes l'ont fait. Je veux dire, l'inspectrice principale qui a porté la parole des différents policiers de cette zone a envoyé à plusieurs reprises des mails au bourgmestre M. Fabrice Kums, ainsi qu'à son chef de corps, sans jamais qu'elle n'obtienne de réponse suffisante à sa demande, c'est-à-dire elle porte une demande précise qui est on travaille avec un policier qui est manifestement très dangereux, qui avoue de lui-même qu'il a tué quelqu'un, qu'il en a sorti un de la rue, qui plébiscite et en plus de ça, qui est référent pour toute une équipe de police. Et donc on peut pas se permettre de laisser un référent d'une équipe de police continuer à louvoyer comme ça alors qu'il a été responsable d'une mise à mort. Donc c'est pour ça que nous, en tant que comité en tout cas, on est intervenu très rapidement en compagnie de la famille d'Adil, en compagnie d'autres acteurs associatifs de Curéguem, de Saint-Gilles, de Forêt, pour tenter de contribuer et de renforcer la ligne de défense possible de la famille. Et je vais m'arrêter là. Notre action, elle vise essentiellement à renforcer les capacités de justice des familles. Mmh. Je m'explique. Les familles sont généralement un petit peu isolées, laissées pour compte. C'est-à-dire, on les soutient moralement, comme le rappelait Martin, ou logistiquement en tant que militants, mais on n'intervient jamais du point de vue juridico-politique. Or, on considère de notre point de vue que si on a envie de lutter réellement et transformer la logique et la reproduction de l'impunité policière, il faut précisément prendre au sérieux le droit, puisque... En face de nous, on a une machine de guerre. On a un parquet qui va intervenir, qui va surintervenir. On a un champ médiatico-politique qui va également surintervenir sur demande du parquet. On a également une activité policière qui va verser des éléments à la mise à l'information en cours. Et donc, si nous, de notre point de vue, on ne peut pas se montrer proactif pour renforcer les capacités de justice des familles, à ce moment-là, on ne sert pas à grand-chose. Et donc, c'est là où on pense sincèrement que pour disposer d'une activité militante conséquente et effective sur ces luttes, il faut absolument prendre au sérieux le droit et ses modes d'instruction. Je vais peut-être un peu expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette pratique activiste qu'a bien décrite Anas. c'est que nous, on était membres du comité de soutien à la famille de Mahouda dans le fameux procès, qui était aussi une question de poursuite policière contre des migrants. Et en fait, ce que nous, on a compris dans ce comité, c'est que le crime ne s'arrêtait pas du tout au moment du meurtre, mais qu'il continuait par tout un tas de procédures qu'Anas a bien racontées, d'impunité, d'actes criminels. Et on s'était retrouvé dans le cadre de Mahouda, ça tout le monde s'en souvient, avec un certain nombre de mensonges et de versions fallacieuses et de pratiques du parquet lui-même. Et donc on avait à l'époque, mais c'était un peu à l'époque un acte symbolique, dit qu'on intenterait une action contre le parquet. Et c'est ce qu'Anas explique avec la notion de saisine. C'est qu'en fait, quand il y a un procès, il y a une plainte qui est introduite, et puis on va commencer à analyser les différentes prescriptions, et il va y avoir un certain nombre de parties civiles dans le procès. Mais la saisine, c'est la capacité à définir des délits et des crimes. Et cette saisine, elle est circonscrite. Et nous, pour le cadre du procès de Mahouda, et beaucoup de gens avaient été déçus, on avait essayé de dire que ce qui avait tué Mahouda, c'était les opérations Médusa. Mais le cadre du procès ne le permettait pas. Et la juge l'avait bien dit d'emblée en disant, c'est à ce moment-là que nous on a compris que c'était très important cette notion de saisine. Elle avait dit, vous avez raison. Oui, il y a des opérations de police. Oui, ces opérations de police sont dangereuses et meurtrières. Mais elles n'entrent pas dans le cadre de la saisine de ce procès. Et quand on a entendu ce mot, on s'est dit, aïe, là, il y a une notion de droit qui est fondamentale qu'on doit apprendre, comment elle fonctionne. Parce que sinon, on est un soutien symbolique dans les procès. Mais on ne peut pas changer, on ne peut pas condamner, on ne peut pas avoir d'action pratique. Et donc, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Qu'il fallait passer de l'idée symbolique « on va assigner le parquet de Mons en justice pour tout un nombre de faits » à « il faut des pratiques activistes pour agir en amont de ces pratiques-là et forcer les pouvoirs qui sont en capacité d'agir, parce que nous, on ne peut pas agir de le faire. » Donc c'est ce qu'Anna s'explique ici, en disant que là, depuis que Adil a été tué, il y a d'autres crimes qui ont eu lieu. Notamment le fait rapporté ici, j'en ai sorti un de la rue, qui est clairement, et Anas l'a expliqué, tenu par un policier qui a aujourd'hui une équipe d'hommes à sa tête, qui a encore été vu dans les opérations de chasse aux migrants à la gare du Midi. C'est une incitation au meurtre raciste par quelqu'un qui est armé et qui a la légitimité par l'État de contrôler des hommes qui sont sous ses ordres. Donc c'est extrêmement dangereux. Et donc ce que nous on dit, c'est que, et c'est la discussion qu'on a eue avec les bourgmestres, ils sont de mauvaise foi là-dessus. On leur dit, ces faits-là qui sont aussi graves que le crime lui-même et qui vont servir, dans le cadre du procès pour le meurtre d'Adil, à démontrer la culpabilité du policier, ont eux-mêmes une charge criminelle et pénale en tant que telle. Et si vous ne prévenez pas le procureur du roi, s'il n'y a pas une mise à l'information sur cette question, en fait, ces faits vont rester impunis. Et donc, c'est ça le problème, c'est que parfois, on a une tendance à voir le moment du crime et donc à penser le meurtre lui-même, et on invisibilise tout un tas d'autres éléments criminels qui sont tout aussi importants et qui font la chaîne de la criminalité. Tous les responsables, quoi, aussi, c'est ça. Voilà, et donc, les activistes, c'est pour ça que nous, on est vraiment activistes, on est là pour venir activer des preuves, activer des rapports, pour demander, ici, c'est les bourgmestres et les chefs de corps qui ont cette responsabilité. Je donne un autre exemple pour qu'on comprenne bien. Si dans une école, un professeur commet des actes de violence raciste contre un élève, et que c'est dans un rapport disciplinaire interne, et que le directeur de l'école ne prévient pas le procureur du roi sur ces faits, il peut être accusé d'inaction et d'avoir protégé. Et donc aujourd'hui, on voit bien que dans les affaires MeToo et les affaires de féminicide, on est de plus en plus sensible à cette question de l'inaction, de la non-assistance. Et donc ici, on a des faits très très graves. Je fais juste une petite aparté, parce que l'on est occupé pour l'instant sur une autre affaire, du jeune Matisse, qui lui s'est fait plaquer au sol par des policiers dans la zone de Naline. Là, par contre, il y a une saisine qui est ouverte, il y a une plainte qui est faite contre lui. Donc il y a toujours une proactivité très très intense contre les victimes. Et c'est pour ça que nous on dit que l'impunité, elle n'est pas abstraite, vraiment on la voit, et donc on peut agir à chaque acte où elle se produit. On voit bien que là, c'est une personne qui a 9 ans, qui est victime d'asphyxie négrophobe extrêmement grave, qui a failli perdre la vie, mais qu'il va y avoir des poursuites, et que le procureur du roi prend directement l'affaire en charge, et que cette affaire va vite pour protéger la police. Et en face, très régulièrement, les conseils de police, nous on le voit ici, ne jouent pas du tout le rôle démocratique qui est de faire respecter la loi, mais joue vraiment le rôle d'un syndicat de police. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on a politisé le conseil de police. On racontera après toute la complication, ça a été très long pour pouvoir simplement prendre la parole, et même la prise de parole a été compliquée, c'est que pour nous, la politisation du conseil de police, c'est le seul moyen de passer d'un état policier à une démocratie qui contrôle sa police. Pour l'instant, on voit clairement que le rapport de force est du côté de la police et que les bourgmestres sont des syndicats de police. Ils ne sont pas des arbitres. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut absolument faire du conseil de police un lieu démocratique. Ouais, c'est balèze. À quoi vous vous attaquez, quand même, hein? On n'a pas vraiment le choix. C'est dit? On n'a pas vraiment le choix. Non, on n'a pas le... Enfin, on a toujours le choix, j'ai envie de dire, moi. Vous pourriez laisser tomber. Il y a quand même y a une dynamique comme ça assez... Il y a une nécessité de transformation qui est directement corrélative de la situation sociale dans laquelle on est situé et impliquée et implémentée. Je veux dire, on ne peut pas non plus considérer qu'on vivrait dans un territoire en dehors de ce que Martin vient d'exposer. On vit en Belgique, on a des enfants, on a des frères, on a des sœurs, on a des familles. Et donc, ce n'est pas qu'on agit pour nous-mêmes comme une sorte de monade individuelle qui serait portée uniquement par des volontés de salvation personnelle. Non, en fait, c'est parce qu'on... On se constitue aussi comme une communauté politique qu'on a envie de construire et dans laquelle on veut pouvoir justement contribuer. Et donc c'est là-dessus où effectivement la permanence du racisme et la permanence de l'impunité policière, elle peut nous prendre pour cible à un moment donné. Je veux dire par là qu'on ne va pas être sauvé parce que finalement on aurait à peu près compris ou posé un diagnostic précis sur la nature possible de l'impunité policière en Belgique. Non, il faut pouvoir continuer ce travail-là pour renforcer des prises et constituer tout du moins des lignes de défense claires pour empêcher que cette impunité ne se reproduise. Parce qu'actuellement, en Belgique, en tout cas, on considère, de notre point de vue, en tant qu'activiste, qu'il y a un manque de sérieux sur cette question des violences policières et sur le racisme afférent aux violences policières. Puisqu'on considère systématiquement qu'il y aurait une sorte d'impunité permanente et que, finalement, les activistes, les avocats, personne ne pourrait rien y faire puisqu'on serait face à une machine totalitaire. La police, la justice, le parquet, les médecins, l'état total intégral. Mais sauf que non, en fait. Nous, de notre point de vue, en tant qu'activistes, on essaye de déployer, justement, des espaces d'activation pour tenter de sortir de cette naturalisation de l'impunité policière. Parce qu'on considère que c'est un état de nature et que, comme ça dure depuis environ les années 60-70, en fait, on peut rien y faire. Or, à travers ces différents cas, on se rend compte qu'on peut intervenir. Et on se doit d'intervenir parce que si on ne le fait pas, en fait, ça pourrait nous prendre pour cible. La chasse à l'homme arabe, noir, organisée, coordonnée par la police, elle peut prendre pour cible n'importe qui, y compris des enfants de 9 ans. Martin vient de le rappeler préalablement en rappelant les éléments internes du dossier qui concerne Mathis, qui est un jeune... enfant de 9 ans, qui a été plaqué dans un établissement scolaire pour des faits d'indiscipline, pour une dite crise qui était complètement ingérable par l'établissement scolaire. Et donc, à partir du moment où ça peut concerner des enfants de 9 ans, vous pensez bien que nous, en tant qu'adultes, on peut parfaitement être pris pour cible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument pouvoir définir un horizon clair de lutte qui soit paramétré et qui soit constitué à partir d'actions réelles et pas à partir d'idéologie. Parce que pour l'instant, impunité policière, violence policière, racisme d'État, c'est des concepts totaux. Donc tout le monde les a à l'esprit, mais en fait, c'est pas très utile. C'est-à-dire, si on ne les déplie pas et qu'on n'arrive pas à leur donner une réelle efficace politique, en fait, c'est des concepts qui presque nous maintiennent dans un statu quo. Donc on va considérer que parce que il y a un fait de violence policière, naturellement, on ne pourra rien y faire. C'est bien la preuve. Oui, c'est ça, il y a causalité. C'est-à-dire, c'est bien la preuve qu'on ne peut rien y faire et que donc, on doit se contenter de soutenir logistiquement et moralement les familles. Alors que ce n'est pas ce que les familles nous demandent. C'est-à-dire, depuis le départ, lorsque les familles sont amenées à devoir intervenir dans ces dossiers, qui sont des dossiers tragiques et macabres, elles demandent du soutien, mais du soutien pour tenter, par exemple, d'obtenir un accès au dossier. Les familles n'ont jamais accès au dossier. Jamais. Dans les premières étapes, en tout cas, de la mise à l'information. Et donc ça, c'est un vrai problème, parce que le parquet avance, la police avance, et de l'autre côté, les familles ne peuvent pas contre-attaquer, ne peuvent pas adopter la même position de proactivité que le parquet, que la police, etc., etc. Et donc, les familles sont toujours prises dans un temps de retard permanent qui fait que l'impunité peut se reproduire. Et donc, et nous, on le voit bien, là, par exemple, on le vit dans le cas de Mathis, puisqu'on a un parquet de Charleroi qui est hyper actif. On a un ministère de l'enseignement qui est hyper actif. On a une fédération Wallonie Bruxelles Enseignement qui est le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel l'intervention policière a eu lieu qui est hyper active. Et de l'autre côté, on a la maman de Mathis, qui sont mis en incapacité d'intervenir dans le dossier en cours. On a hier eu contact avec l'avocat, on a essayé de discuter de la future stratégie judiciaire à venir, mais lui-même nous a répondu, mais écoutez, on a en face de nous une machine, et donc simplement pour obtenir l'accès au dossier, on va devoir attendre 6 mois. Dans une mise à l'information avec des éléments aussi incriminants à l'encontre de Matisse, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire, on ne peut jamais tisser de mise en responsabilité policière à partir du moment où le temps joue contre nous. Il faut absolument, en tout cas, à notre sens, essayer de constituer une distorsion de ce temps. Et donc, faire en sorte d'intervenir le plus rapidement possible dans les enquêtes en cours. Parce que, et on l'a bien vu notamment dans différents cas, de notre côté, par exemple, on avait mené une contre-enquête très tôt suite à la mort de Sourour Abouda pour essayer justement de nourrir et de solliciter de nouveaux devoirs d'enquête. Parce que des devoirs d'enquête, qu'est-ce que c'est ? Il y a une mise à l'information et donc l'avocat de la partie civile, donc là en l'occurrence l'avocat de la famille de Sourour, peut tout de suite solliciter des devoirs d'enquête pour essayer d'élargir le plus possible la mise à l'information et la saisine. Martin a rappelé que voilà, une saisine, c'est ce qui va permettre de qualifier des délits, des infractions. Et donc, si très vite les avocats se montrent proactifs et constituent et sollicitent des devoirs d'enquête pour élargir l'enquête, à ce moment-là, la mise en responsabilité policière, elle est beaucoup plus simple à déterminer. Or, le problème, c'est que on a généralement des avocats qui vont considérer qu'on doit attendre que le parquet remette ses premiers éléments et on verra en fonction des erreurs qu'ils vont commettre. Sauf que généralement, le parquet ne commet pas d'erreurs puisque c'est le parquet qui mène l'enquête. Donc comment voulez-vous qu'un parquet, des policiers, des expertises médico-légales, etc., soit traduite ultérieurement au moment de la mise à l'instruction en erreur. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Je veux dire, une saisine, ça ne se constitue pas en termes d'erreur, pas erreur, non. C'est des devoirs d'enquête, c'est des éléments nouveaux qui contribuent soit à élargir, soit à restreindre, soit à qualifier. Et donc, il faut absolument pouvoir intervenir. Et donc, en tant qu'activiste, le devoir de mobilisation, il doit s'inscrire dès le départ dans une perspective de on sait qu'il y a une mythomanie policière qui va être activée, mais mythomanie policière, ça ne veut pas dire mensonge au sens moral du terme. Ça signifie qu'il y a des actes juridiques qui vont produire du mensonge. Et donc, pour contrecarrer ces actes juridiques qui vont produire du mensonge policier, il faut les contre-attaquer et les contre-attaquer en présentant une vérité, mais une vérité du point de vue des actes juridiques. Et donc, il faut absolument s'inscrire dès le départ dans les enquêtes en cours et essayer d'amener des éléments et travailler avec les avocats de façon à collaborer dans la mise en place de la saisine. Se politiser de l'intérieur. Juste pour l'expression, nous on dit la machine de guerre au carré. C'est-à-dire, au carré. Ça veut dire il y a parquet, police, institutions, comité PED qui constituent, et donc ils sont acteurs, et donc il faut que nous on ait une machine de guerre au carré, deux fois plus importante. Or, généralement, on est des machines de guerre puissance divisée par 1000 et très attentiste. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, puissance divisée par 1000 et très attentiste? Mais on est peu acteurs de l'intérieur, donc les militants considèrent souvent que le juridique, le droit, c'est compliqué, c'est pas leur affaire. Moi aussi, hein, le pense. Nous, on n'y connaissait rien, c'est juste à force d'être acteur et auprès des familles, on apprend. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut, il faut constituer des connaissances politiques pour pouvoir être acteur de ça, quoi. Siam, on t'a pas encore entendu, t'as envie de dire un truc. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à aux deux excellents exposés de Anna Samar. Ici, il y a aussi le déroulé de ces quatre. Non, c'est cinq, je crois. Oui, je peux faire le déroulé des interpellations. Alors, donc dans un premier temps, on a demandé on a fourni les articles, on a discuté avec des conseillers au conseil de police. C'était, si je me souviens bien, le 19 mai. Donc, il y a eu l'interpellation de quelques conseillers de police qui... Je vois le 22 mai, 19 juin. Oui, c'est ça, 22 mai. Ouais. Parce que l'article est sorti le 19 mai. Donc, on est parti au conseil de police le 22 mai. On a fourni donc les informations, en tout cas les articles, à différents conseillers de police qui se sont principalement... donc les questions se sont principalement concentrées sur pourquoi il n'y a pas eu de sanctions ou quelles sont les procédures en termes de sanctions pour le cas du policier ici présent. Le chef de corps n'a pas répondu aux questions. Il s'est fendu d'un... d'un justice pour Adil et justice pour les policiers, pour conclure son intervention. On nous a répondu que les questions qui ont trait au personnel sont traitées à huis clos. Donc on n'a pas pu assister à ça. On a essayé dans un deuxième temps, le 19 juin, d'interpeller nous-mêmes le conseil de police avec différentes questions. La question de faire reconnaître le pare-chocage comme une technique qui vise à la mise à mort, et donc pour pouvoir les faire correctionnaliser en tant qu'homicide volontaire. Le fait que la zone, en tant qu'employeur, peut et doit surtout envoyer un PV circonstancié des faits au procureur du roi, se porter partie civile pour son employé, à l'encontre de son employé. Malheureusement, on nous a refusé l'interpellation, sous des prétextes fallacieux, peu importe. On est revenu ici pour le 18 septembre faire une nouvelle interpellation. On l'a refusé dans un premier temps, encore bon, sur des prétextes fallacieux. On va peut-être pas revenir dans les détails là-dessus. Je sais pas si c'est tellement important. On a pu difficilement interpeller. Donc, on nous a menacé. Enfin, on a menacé personnellement Martin. De poursuites. Tout le monde a été menacé. De poursuites pénales. Si on disait de rapporter des faits fallacieux, peu importe. Diffamant. On nous a menacé aussi de réduire le temps de notre interpellation. Peu importe. Cette interpellation, elle a eu lieu. Il y avait 6 revendications. Donc, je les répète, je les ai dit, mais que la zone se porte partie civile, qu'ils envoient un PV au procureur du roi pour correctionnaliser les faits de harcèlement, l'incitation au meurtre par la fameuse phrase « j'en ai sorti un de la rue », que les policiers lanceurs d'alerte soient protégés. À l'heure actuelle, il n'y a pas de protection, ils sont victimes de harcèlement de la part de leur hiérarchie. Et que le pare-chocage soit reconnu aussi comme une technique qui vise à tuer. On n'a évidemment pas eu de réponse, donc le conseil refuse de se prononcer sur la technique du pare-chocage. Il refuse d'envoyer un PV en tant qu'employé, et ce parce que le rapport signé par les 18 policiers est déjà aux mains du procureur du roi. Alors, nous, ce qu'on leur a répondu, c'est qu'il est effectivement aux mains du procureur du roi, mais que potentiellement, il ne peut pas être utilisé dans l'affaire Adil Charo, et qu'en plus, on est sur des faits qui sont d'une autre nature, et qu'ils doivent pouvoir être correctionnalisés à côté. Mais donc, il y a refus clairement de le faire, et la zone ne se constituera pas partie civile à l'encontre du policier pour l'incitation au meurtre et le harcèlement des collègues du commissariat, alors que la zone s'était par ailleurs portée partie civile contre Adil Charo pour, entrave méchante à la circulation, je pense. Mais ouais, c'est pour se protéger d'éventuels risques en termes civils. Donc s'il y avait un procès et que le policier était reconnu responsable, il y aurait aussi des dédommagements civils qui devraient être faits. Et donc ils ont fait appel à Maître Kenness pour préventivement, en cas où ils seraient eux-mêmes, ils devraient des dédommagements à la famille, avoir un avocat. Mais c'est comme tu dis, c'est-à-dire, de fait, ça signifie qu'ils sont acteurs, mais contre la famille. Voilà. Donc on est sorti sans réponse de ce conseil. Et comme l'a dit Martin, on voit qu'il y a de la part des 3 bourgmestres, en tout cas, une forte détermination à agir en tant que premier policier, donc à faire le travail des syndicats de police. Voilà. Ah oui, alors il y a un autre élément qui nous a aussi fort choqué. Ça, c'était le 22 mai, c'était quoi ? Le premier conseil de police ? Je ne sais plus si c'était le 22 mai ou le 19 juin. Mais donc, dans un des conseils de police, il y avait Denis Ducarme, qui est donc, connu pour être un grand détourneur d'impôts, mais aussi pour être au sein du comité P pour le parti MR. Et donc, lui était là, présent, avec les syndicats de police, pour les soutenir, syndicats de droite. Et il avait fait un tweet et un post Facebook pour dire « Je soutiens la police, la thèse du racisme structurel est une thèse gauchiste faite pour salir la police. » Donc c'est comme la théorie du genre, c'est une thèse inventée par les féministes pour dominer les hommes. Le racisme structurel est une thèse inventée par les décoloniaux pour dominer les policiers. Mais donc, ce qui nous a surtout choqué institutionnellement parlant, c'est que donc, Denis Ducarme est membre de la commission du comité P qui aura à traiter ce dossier. Mmh. Et donc, ça signifie que lui prend parti en considérant à l'avance que le policier n'est pas coupable, et non seulement il le considère, mais il l'affirme politiquement en étant présent aux côtés des policiers de droite. Donc, c'est pour ça qu'on disait à machine de guerre au carré, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de ça. Mais dans ceux qui agissent beaucoup, parquets, avocats, institutions, il y a aussi les syndicats de police de droite, qui, eux, sont très présents au conseil de police, qui ont une pratique syndicale contre-insurrectionnelle très, très active, et généralement, en face, on n'a pas de réponse. Et donc, quand on commence à se mobiliser, on se rend compte qu'il y a déjà toutes ces machines très, très actives, très, très présentes. Eux, ils sont présents au conseil de police, ils font bien peser d'un poids de mort la présence de la police, parce que un des problèmes de tous ces enjeux-là, c'est que les bourgmestres ont besoin de la police. Mais la police est censée être sous la responsabilité, selon la loi du bourgmestre, selon la loi sur la fonction de police, mais dans le rapport de force, ce n'est pas le cas. Et donc, on a par exemple, parce qu'à un moment donné, on se disait, c'est quoi un précédent d'une commune qui se porte partie civile contre sa police ? Ben, il y en a un, c'est Yvan Mayer, et il a été défait pour ça. Donc évidemment, il y a toute l'affaire derrière du SAMU social et des détournements de fonds. Mais en tout cas, moi, je m'en souviens que les policiers étaient venus jusque devant la maison communale, avaient déposé leurs boucliers, leurs armes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours cette tension entre démocratie et état de police, et qu'il n'y a pas une tension juridique, qu'il y a une tension politique. Et nous, c'est ce qu'on sent très fort dans le conseil de police. Par exemple, à l'issue des conseils de police ici, nous, on est en contact avec un certain nombre de conseillers communaux progressistes qui portent certaines questions au sein du conseil communal. Quand on sort du conseil, ils fuient. Ils nous disent « on vous rappelle plus tard », pas parce qu'ils sont lâches, parce qu'il y a un vrai rapport de force policier. Et donc c'est pour ça que pour nous, la solution, elle est citoyenne, c'est-à-dire le plus régulièrement possible. En fait, la démocratisation, c'est une désescalade de la violence. Donc si on vient à trois anarchistes énervés contre la police, on renforce la violence policière. Si on la rend la plus publique possible, si on publie des articles, si on travaille avec des journalistes, si on en fait un débat de société, si on vient avec des citoyens, des personnes âgées, des jeunes dans les conseils de police, qu'on ouvre avec la question, en fait, on démocratise. Nous, on n'est pas naïfs, on sait bien que la démocratisation a des effets retours. Que, par exemple, après l'affaire Adil, il y avait eu les syndicats de police de droite qui avaient filmé des scènes où ils se faisaient eux-mêmes agresser pour renverser le rapport en disant « Oui, on parle beaucoup de violence policière, mais nous, ce qu'on subit surtout, c'est la violence contre la police. » Donc tout ça, ce sont des rapports de force. Mais ce qui est vraiment important, c'est de bien analyser institution par institution, et ça, on ne sait pas le faire à l'avance. Il faut vraiment un travail activiste. Quel est le rapport de force ? Quelles sont les alliances ? Et quels sont les leviers politiques qu'on a entre nos mains, quoi. Et donc, nous, on avait médiatisé cette affaire de Denis Ducarme en demandant à des politiciens des partis progressistes de prendre position par rapport à ça. Parce que là, on dit souvent que le comité P est politisé parce qu'il est géré par des policiers, donc qui sont défaits de leurs fonctions, et donc ils seraient comme ça liés par un effet de corps. C'est vrai, mais ce n'est pas le plus grave avec le comité P. Le plus grave, c'est la politisation. Et ça, c'est vrai de toutes les institutions belges. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'institution eux-mêmes sont des politiques. Nous, par exemple, dans l'affaire ici de Matisse, on voit clairement, par rapport à Julien Niquès, qui est président du PO de l'école de Matisse, que le Parti socialiste agit à tout un tas de niveaux. Et donc, il y a une dépolitisation des partis politiques. Il faut, à distance de ces partis, des mouvements citoyens progressistes pour repolitiser en fonction d'enjeux de la société civile elle-même, à distance de ces partis politiques. En Belgique, vraisemblablement, c'est très compliqué de le faire. Oui, oui, tout à fait. Et donc, justement, cette pratique du « à distance » des partis politiques, elle ne se fait pas dans une distance absolue, c'est-à-dire c'est Une distance qui cherche aussi à infléchir les lignes du pouvoir, puisque précisément, on n'a pas, nous, en tant que militants ou activistes, les capacités de prendre des décisions quelconques. Et donc, c'est pour ça que nous, de notre point de vue, à partir justement des différentes interpellations, c'est vraiment essayer de resituer le plus possible la responsabilité politique et la responsabilité disciplinaire. Donc, je vais faire un rapide rappel. Martin disait que la police localisée est sous l'autorité du collège de police. C'est vrai, et c'est vrai du point de vue de l'article 42 de la loi sur la fonction de police. L'article 42 dit que la police localisée, la police intégrée, la police administrative est sous la responsabilité, sous la férule du chef de la police. Et donc, comme il y a une responsabilité qui est située, ça signifie que rappeler cette responsabilité à travers des conseils de police, ça permet aussi d'activer un champ de pouvoir qui est en dehors du champ militant. C'est-à-dire, nous, on n'a jamais la capacité de pouvoir obliger un policier ou faire condamner ou sanctionner disciplinairement un policier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une attention particulière qui doit être portée au type de pouvoir qu'on a en face, tenter de les caractériser, tenter de voir quelles sont les lignes de force qui sont possibles, et donc ce sur quoi nous on peut jouer, ce sur quoi on peut tenter de créer de l'activité, et ensuite définir des chamboulements des politiques internes du point de vue de l'application vis-à-vis de cette police. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, vous comprendrez sans doute beaucoup plus simplement. Depuis que Catherine Moureau est présente en tant que membre du collège de police, il y a eu, au niveau de la zone ouest, une transformation des politiques disciplinaires à l'encontre des policiers. Et donc, maintenant, depuis que Catherine Moureau, Ahmed Laouège, etc., sont membres du collège de police, systématiquement, lorsqu'il y a une affaire de violence policière qui concerne un policier de la zone ouest, pour définir un régime d'évaluation du cadre disciplinaire approprié pour sanctionner le policier, Catherine Moureau, Ahmed Laouège, demande à avoir accès à la mise, aux éléments internes de la mise à l'information en cours. Et donc, à partir du moment, s'il y a correctionnalisation, et donc s'il y a une infraction qui est commise, le policier, a priori, est déféré d'abord devant le procureur. Enfin, en tout cas, le procureur intervient, et ensuite, s'il y a matière à instruction, il est déféré devant le juge d'instruction. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est que pour déterminer la responsabilité disciplinaire, les chefs de la police, à savoir les bourgmestres, ne prennent pas le temps de s'inscrire dans les coordonnées de l'instruction, de la mise à l'information en cours. Et donc, ça signifie qu'il y a des liaisons entre, d'un côté, la mise à l'information, et de l'autre, le volet disciplinaire. Or, ce que ont permis le travail de transformation politique de la zone ouest, Catherine Moureau, Ahmed Laouège, c'est vraiment de prendre appui sur la mise à l'information et les éléments d'enquête pour tenter de définir une sanction disciplinaire appropriée. Parce que, à notre sens, c'est pas possible de délier les deux éléments, puisque précisément, si le policier a commis une faute pénale, a priori, disciplinairement, il faut pouvoir tenir compte des éléments d'infraction qui ont été requis pour ensuite déterminer une responsabilité disciplinaire. Et donc là, en l'occurrence, on a une zone midi qui fait complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a une mise à l'information en cours, qu'il y aurait possiblement une instruction à venir, et que donc, eux n'ont pas à intervenir tant que la mise à l'information est pendante. Sauf que normalement, comme il y a une relation entre cadre disciplinaire et cadre pénal, a priori, en tant que chef de la police intégrée, il faut prendre appui sur le cadre d'instruction en cours et le cadre d'information pour définir des mesures disciplinaires. Autrement, comment on fait ? Je veux dire, comment définir des balises précises, délimitées, pour constituer un cadre de sanction ? C'est là où, pour nous, il y a quand même un sérieux problème. Soit on décide de manière unilatérale de ne jamais sanctionner les policiers, et à ce moment-là, on s'inscrit dans les coordonnées de l'impunité répétée, ou soit on définit et on délimite en tout cas un champ d'action très clair, entre différentes institutions qui interviennent dans la reproduction de l'impunité. Parce que l'impunité, c'est pas le simple fait de la police. C'est le fait de la police, c'est le fait, à des moments donnés, de certains médecins, c'est le fait, à certains moments donnés, de certaines ambassades aussi, par exemple, qui interviennent pour tenter de rapatrier les corps le plus rapidement possible. Lorsque, par exemple, on efface... je peux vous donner un exemple concret. Le cas d'Ilyas Abdou. est symptomatique d'une intervention des ambassades qui vise à empêcher la constitution des devoirs d'enquête. Dès qu'Ilyas Abdou est mort, très vite, l'ambassade algérienne est apparue pour rapatrier le corps et faire croire à la famille depuis l'Algérie que des devoirs d'enquête, qu'une contre-expertise allait être menée depuis le pays d'origine. Sauf que les éléments de la contre-expertise menée depuis l'Algérie ne sont pas instructibles ici en Belgique. Donc ça signifie qu'il y a une contre-expertise qui est menée, qui est utile pour personne et qui sert surtout à reproduire l'impunité en cours. Puisque si on ne mène pas une contre-expertise immédiatement après, depuis ici, comment voulez-vous que des éléments puissent être instructibles et agencés dans la mise à l'information en cours ? Donc c'est pour ça qu'il y a une pluralité d'acteurs et il faut pouvoir situer à chaque fois leurs responsabilités pour essayer de défaire cette impunité et pas considérer que l'impunité serait le simple fait de la police et de la justice toute seule. Ouais, je veux insister aussi avec Anas ici parce que ce qu'il décrit bien là, c'est ce que nous on appelle une ethnographie activiste en conjoncture. Ça veut dire assez simplement qu'il faut faire des enquêtes pour comprendre et pouvoir décrire comment l'impunité elle se constitue. Et nous, on décrit ces processus pas de l'extérieur, comme des anthropologues ou des spécialistes de la science sociale qui analyseraient un processus pour le comprendre en extériorité, mais on les utilise, c'est pour ça que je dis ethnographie activiste, en conjoncture pour pouvoir agir. Et par exemple, ce que raconte ici Anas, c'est ce que nous, on a compris, et c'est pour ça qu'on dit conseil de police. C'est ce qu'on a compris dans cette histoire-ci de Adil, c'est les actes d'enquête qui nous l'ont amené à le percevoir, c'était le mécanisme de l'impunité lui-même. Ce que raconte ici Anas par rapport au lien entre l'administration de la police et la justice, c'est qu'il y a une double capture qui crée cette impunité. Donc maintenant, nous, on le savait, on pouvait le décrire quantitativement. On pouvait dire, voilà, il y a, je ne sais plus exactement combien, mais 4/5 de non-lieu par rapport au fait de police. C'est même plus. Mais c'est 93%. Donc un taux très, très énorme. Donc quantitativement, on peut dire, effectivement, ça crée de l'impunité, mais on ne savait pas le qualifier. Ici, d'avoir fait cette ethnographie avec le comité, donc d'avoir été présent dans le conseil de police, d'avoir lu les rapports administratifs, d'essayer d'avoir compris comment ça se passe et d'avoir essayé de trouver des contre-pratiques, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était bête et stupide, cette histoire. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que souvent, c'est grotesque, les pratiques. Et donc ici, c'est très simplement... Je le dis parce qu'au dernier conseil de police, le chef de corps est sorti avec un sourire. Il était content. On a essayé de se dire, et comme on avait cette enquête, on a compris pourquoi. En fait, ils savent que 93% des policiers vont être acquittés devant la chambre du conseil. Donc, pour eux, c'est un acquis politique à partir duquel ils tiennent. Et donc, ça permet au bourgmestre de dire « il y a une enquête en cours, on ne peut pas prendre de sanctions disciplinaires, même si les faits, parce qu'ici c'est racisme c'est sanction pénale, sont des faits graves qui, normalement, dans n'importe quelle autre fonction publique, auraient donné à une démission directe. Donc on ne peut pas faire de sanctions pénales parce qu'on doit laisser l'enquête en cours. Et l'enquête elle-même neutralise l'enquête disciplinaire parce qu'elle va blanchir à l'avance. Et donc le policier va être réintégré, parfois même avec des dédommagements. C'est pas des dédommagements volontaires, c'est des dédommagements parce que les policiers connaissent très très bien la machine disciplinaire et judiciaire. Et donc ils savent exactement, ils sont très procéduriers en fait, très très procéduriers. Donc c'est pour ça que je reviens sur cette expression à machine de guerre au carré. Si les policiers sont procéduriers, on doit être deux fois plus procéduriers qu'eux, parce que sinon on sait pas agir. Et donc c'est pour ça que nous on était vraiment intéressés par ce conseil de police, d'être activiste dans le conseil de police, et Anas avait fait ce travail de retrouver dans la loi sur la fonction de police tout ce que la commune en tant que pouvoir politique pouvait et donc nous disait et donc devait faire par rapport aux policiers. Et Siam l'a rappelé tout à l'heure, la constitution de partie civile, c'est quelque chose qu'ils peuvent tout à fait faire, et en tant qu'activiste, c'est on les pousse à agir d'une façon où la police est un organe contrôlé par les citoyens. Mais on ne le fait pas dans le vide, on le fait parce qu'on maintenant, avec les enquêtes activistes dans les situations pratiques, on commence à comprendre comment ça se passe. Je donne un dernier exemple. Dans l'affaire de Sourour, il y avait un article qui était sorti pour expliquer qu'il y avait un doute sur le fait que Sourour serait morte, qu'elle serait suicidée. Et donc il y avait un travail d'enquête très très important. Nous, on a été excessivement frappés par la puissance de frappe du parquet. Donc il y a eu des articles, ça a été très très positif pour soutenir juridiquement la famille. Et puis c'est le parquet qui, vers 16h, a envoyé une bombe médiatique et qui a annulé et anesthésié toute la tentative. Et donc ça veut dire que nous, c'est pas que on va se dire « Ah, voilà, il faut plus rien faire », c'est qu'on se dit « Bon, ben maintenant, On doit vraiment prendre en compte que le parquet, ça existe, que le parquet, ça a une puissance médiatique beaucoup plus forte que la nôtre, et donc on doit trouver des contre-pratiques. Nous, on appelle ça des actes de guérilla juridique, c'est-à-dire des capacités à pouvoir défaire et prendre suffisamment au sérieux. Donc c'est pour ça qu'il y a une dimension ethnographie activiste, c'est de se dire, nous, on ne le sait pas à l'avance. Et donc, ce qui est important dans chaque situation, c'est de s'envoyer des textes, d'analyser ensemble, de décortiquer les lois, de se poser toutes les questions possibles pour se dire, comment est-ce qu'on peut agir sur ces situations ? Comment est-ce qu'elles fonctionnent ? Et nous, on est encore vraiment au milieu du chemin, mais on fait, parce que l'objet, pour garder notre objectif, c'est que donc le 5 janvier, le 9 janvier, il y a cette fameuse chambre du Conseil. De 2024, quoi, du coup, alors. De la prochaine année, qui devrait clore l'instruction par rapport au meurtre d'Adil. Et nous, on continuera à porter la mise en responsabilité de la commune pour renforcer cette pièce. Donc, c'est les fameux aveux du policier. Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? C'est qu'on sait qu'en face, on a Sven Marie, qui est l'avocat du policier, et que lui a déjà demandé tout un cas t'as de devoir d'enquête complémentaire pour vider cette pièce. Donc ça n'existe pas, ça c'est aussi un élément qu'on veut dire, même au niveau des vidéos, ça n'existe pas des preuves en soi, dans un procès. Souvent les activistes, et ils ont raison sur le plan politique, considèrent que comme il y a une preuve de la violence policière, on a gagné. Sauf que le droit, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est un autre régime de vérité. Et on l'a vu, nous, ça a été vraiment, surtout Anas et d'autres qui étaient beaucoup plus actifs dans le comité Lamine Bangoura, on a vu qu'il y avait une vidéo de l'assassinat, du lynchage de Lamine Bangoura. Une vidéo horrible où on le voit suffoquer et mourir. Cette vidéo n'a jamais permis de condamner le moindre policier. Parce que dans le droit, il y a la colonialité pénale qui a une longue histoire, on ne peut pas la refaire ici, mais qui doit être faite, que les catégories du droit, ce ne sont jamais que des catégories juridiques. Ce sont aussi des catégories d'anthropologie criminelle et des catégories psychiatriques qui sont constituées sur la race. Et donc, elles savent, ces catégories-là, vider une vidéo en tant que preuve. Et les avocats de policiers savent très bien comment ça fonctionne. Donc nous, on doit avoir des avocats au carré en face. Eh ben, chaud, hein. Vous avez envie de terminer par quoi ? Un truc qu'on n'aurait pas dit, un truc à dire important pour la suite ? Qu'est-ce qui est important pour la suite, là, maintenant ? On s'en fout. Non, il faut des comités zone ouest, il faut des comités zone nord. Que ça continue, quoi. Il faut que, et c'est aussi un message qu'on s'adresse à nous-mêmes, mais il faut que les pratiques... Enfin, moi, je vais le dire franchement, il faut que les pratiques qu'on met en place, elles puissent ne pas systématiquement être censurées. Ça veut dire que nous, on fait un travail qui fonctionne avec énormément de relativité, mais systématiquement, on subit de la censure. Et on ne subit pas la censure de la part de la politique, on ne subit pas la censure de la part de la police, on subit la censure de la part des milieux gauchistes qui continuent à considérer que les cas des violences policières, ce sont des territoires à conquérir sur lesquels chacun doit avancer ses pions. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on fait souvent l'objet de réappropriation de nos articles en oubliant qu'on les a produits en tant qu'auteur. Franchement, tant mieux. Mais qu'au moins, les processus politiques soient renforcés. Que les pratiques politiques soient elles-mêmes reproduites et qu'elles aient des effets. Ça, moi, ça me semble important. Je le dis comme ça, c'est un peu franc, mais faut le dire, quoi. Bah ouais, c'est bien d'être franc. En tout cas, pour nous, il est clair que les effets de patrimonialisation sont dangereux pour la lutte activiste, puisque précisément, elles n'aident pas les familles. C'est-à-dire, elles inscrivent les familles dans une sorte de grande serre fermée, en les constituant comme étant des victimes à même d'arbitrer les bons énoncés et les bonnes stratégies à mettre en œuvre, sauf que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire les familles, au départ, elles ne sont pas constituées a priori comme étant des acteurs ou des activistes en puissance qui seraient à même de répondre des enjeux et des coordonnées problématiques qui concernent des faits aussi graves que des meurtres policiers ou que des violences policières. Au départ, les familles, elles sont des familles. Elles ont perdu un proche. Et donc, nous, en tant qu'activistes, on se doit précisément d'entrer en relation interdépendante, avec cette dernière et de se situer en responsabilité par rapport au cas. Généralement, les activistes ne font pas ce travail-là. C'est-à-dire, ils font du travail politique à distance des gens, à distance des familles. Ou si c'est à proximité, c'est à proximité phagocytante. C'est-à-dire qu'ils vident les capacités et qu'ils absentent les familles. C'est-à-dire qu'ils constituent les familles comme étant des spectres. Des spectres qui n'ont pas d'existence politique propre, alors que les familles, dès le départ, vont s'inscrire dans ce travail de contre-enquête. Les familles, elles vont elles-mêmes s'intéresser au droit, puisque précisément, il y a un devoir de nécessité. C'est-à-dire, les familles, elles veulent obtenir justice, elles veulent obtenir gain de cause. Ce qui hante les familles, c'est précisément l'incapacité à pouvoir obtenir justice. C'est pas, c'est la mort en soi, évidemment, mais le fait qu'il y ait une reproduction de cette impunité pèse avant tout sur les familles. Et donc, nous, en tant qu'activistes, on a une responsabilité par rapport à cette mémoire. Et donc, on doit pouvoir activer des schémas d'intervention politique qui soient en responsabilité interdépendante avec ces familles pour traiter la violence policière de façon conséquente et pas la prendre uniquement comme étant une sorte d'objet qui pourrait, dont on pourrait tirer bénéfice parce que voilà, il y a des formations, c'est subsidié ici et là. Parce que malheureusement, l'éducation permanente, les formes de réappropriation définies par la société civile d'État, ce qu'on appelle la société civile d'État, c'est-à-dire une société civile qui contribue à renforcer la reproduction, notamment de l'impunité policière, en fait, ne fait jamais l'affaire des familles. Au contraire, elle défausse et elle dépossède les familles. Et donc, nous, en tant qu'en tout cas activistes, on essaye de mener un travail qui soit systématiquement à dessein et on présente directement le cadre dans lequel on va travailler. Donc, on essaye de constituer des modes d'évaluation de notre propre pratique et donc, on impose aux familles d'une certaine manière, un devoir de défiance vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, on ne considère pas que les familles doivent avoir confiance en nous parce que, voilà, on se présente à elles, parce qu'on aurait des leviers, parce qu'on aurait des moyens, parce que... Non, les familles ont raison d'avoir, de ne pas avoir confiance aux militants au départ, puisque ça nous force nous-mêmes à réévaluer de manière permanente notre travail. Et donc, de refaire... De ne pas s'arrêter à notre patrimoine propre en tant que militant historique. On doit se refaire, on doit se réinventer, parce que, justement, il y a des mutations de l'impunité policière qui sont systématisées. Je veux dire, un cas de violence policière n'en est pas un autre. C'est pas parce qu'on dresse des listes avec des cas de violence policière que, finalement, chaque cas sont les mêmes. C'est pas vrai. Si on étudie dans le détail le cas d'Adil et qu'on le compare à celui d'Ibrahima, à celui de Maouda, à celui de Lamine, à celui de Mohamed Amin Berkane, on va se rendre compte que chaque cas est complètement à individualiser dans la façon de l'interpréter du point de vue de la violence policière, du point de vue de ces mécanismes d'impunité. Et donc, nous, on a un devoir, justement, de maintenir cette singularité. Parce que cette singularité, c'est un devoir de mémoire vis-à-vis des familles. Les familles, il ne faut pas oublier qu'on a en face de nous des personnes qui sont tuées. Et ces personnes, elles sont inscrites dans des réseaux de famille, dans des réseaux d'amis, dans des réseaux d'affinités, qui sont durables et qui durent. Et donc, nous, on ne peut pas apparaître comme ça en constituant ces personnes comme étant uniquement à inscrire dans une liste, dans une énième liste de personnes tuées par la police. En fait, ce n'est pas juste des personnes tuées par la police. C'est avant tout des personnes qui ont eu un vécu et qui continuent à avoir un vécu à travers la lutte menée par les proches et par les familles. Siam, envie aussi de boucler ou t'as tout dit ? Restez à l'écoute pour le 9 janvier. Merci à vous alors. Merci beaucoup.